c'est Tibulus, le petit lutin du Père Noël, pour le podcast de l'Avent. Vous connaissez le principe, c'est un calendrier de l'Avent sonore. Oui, on est autorisé à utiliser un petit bout dans la grange du Père Noël pour installer un studio et ouvrir chaque jour la case qui mène à une surprise. Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre, donc je réfléchis, bah c'est la case 13. Allez, on ouvre et... Oh, des habitués, bonjour! Bonjour les amis! Bonjour! Vous venez d'entendre Titou et Matou, les lutins farceurs. Et Titou, je crois que c'est un jour particulier le 13 décembre. Oui, c'est l'anniversaire de Matou. Non, c'est ton anniversaire. Et tu es devenu un grand lutin. Et si on lui chantait une petite chanson pour son anniversaire? Joyeux anniversaire Matou, joyeux anniversaire Matou, joyeux anniversaire Matou, joyeux anniversaire. Dis donc, tu as vu qui vient de nous rejoindre pour célébrer ton anniversaire? Canel, l'assistante du Père Noël, la lutine mutine. Et je n'arrive pas les mains vides. Ah bon? Je t'ai apporté un gâteau immense. J'ai passé toute l'après-midi à le préparer hier. Ah bah merci, c'est très gentil, il fallait pas. En plus, c'est au citron. Encore une fois, bon anniversaire, Matou. C'est sympa de profiter de ce podcast pour célébrer l'anniversaire d'un de nos lutins les plus travailleurs et les plus sympathiques. Un petit mot à dire? Bah, merci à tous. Est-ce que t'aurais une petite bêtise que tu voudrais raconter? Ok, je peux vous raconter une bêtise que j'avais faite au Père Noël. J'avais utilisé une souris et je l'avais placée dans son bonnet. Et quand il a voulu le mettre pour aller distribuer les cadeaux l'année dernière, il a senti quelque chose qui grattait. Et il a enlevé son bonnet, et là il a découvert une souris. Et il a sursauté de peur. Oh, sacré Père Noël! C'est vrai que parfois une petite souris, ça peut l'effrayer. Quelle bêtise! Tu en as beaucoup sous le chapeau, toi, des bêtises. Et dis-moi, est-ce que la souris se porte bien? Parce qu'on est inquiet quand même. Elle va super bien, je lui donne du fromage et elle vit chez moi. C'est devenu une souris de compagnie. Tu lui as donné un petit nom? Oui, je lui ai donné un nom, c'est Sourisette. C'est une petite souris sympathique, la Sourisette. On aime beaucoup. Bah, merci pour cette anecdote, cette petite histoire qui a dû faire sursauter le Père Noël. Et puis, merci à tous ceux qui sont venus célébrer ton anniversaire. Et à présent, bah, moi, je vous propose d'aller retourner à l'atelier pour qu'on travaille. Avant de retourner à l'atelier du Père Noël, moi, je propose une bataille des gâteaux! Oh non, tu viens de me tâcher! Oh là, tiens, prends ça! Plouf, plouf. Oh, pas moi! Pas moi, tu m'as tout sali! Allez, à demain! À demain!